depuis ce qu'on appelle la crise du disque, donc c'est daté grâce au carbone 14 en 2002, l'ensemble du modèle économique des majors ou des gros indépendants, parce que même s'ils revendiquent d'être différents, les pratiques sans faire de pléonasme, pour les avoir pratiquées, sont exactement les mêmes. Et je pense que déjà ça, les coups de butoir qui a été donné à cette industrie, et je ne crois pas du tout à ce discours unique qui était de dire c'est les méchants téléchargeurs illégaux qui font que cette industrie a perdu la... Ah, c'est mon téléphone. C'est Led Zeppelin, rock'n'roll, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et donc, cette industrie qui, depuis 10 ans, souffre, comme je vous disais, je ne pense pas que ce soit lié exclusivement aux téléchargeurs illégaux. Je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça. Moi, ce que j'en vois principalement, même si c'est difficile de l'entendre ou de le dire, c'est que je pense que 70 ou voire 80% des albums qui sont produits, qui sont commercialisés, là je parle sous la forme physique, sur le digital, je ne suis pas sûr de mes statistiques, sont d'une manière générale ou médiocres ou passables. Je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais lorsque j'étais petit, c'est-à-dire il y a 40 ans de ça, quand j'achetais un album de Neil Young ou de Crosby, Nash & Young ou de Led Zepp, etc., sur 12 titres, il y avait 10 tubes et 2 hits. Aujourd'hui, quand vous achetez un album de 10 titres, vous avez une chanson qui est pas mal, qu'on appelle un tube, vaguement. Après, vous en avez deux qui sont écoutables et 7 qui font du remplissage. Et ça, là-dessus, j'ai une théorie qui vient du fait que jusque dans les années 80, avant qu'arrive le CD, le support était limité, à savoir qu'un artiste avait 30-35 minutes pour s'exprimer, qui étaient les deux faces d'un vinyle. Est arrivé le CD. Techniquement, on est passé de 35 minutes à 70 au début et à la fin 80. Et on a subi, nous, dans les majors, une pression très bête des consommateurs en disant: Ah, mais c'est honteux, on a un support qui permet d'avoir 80 minutes de musique, vous nous en donnez 30. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On est allé voir les artistes en disant: Eh bien, donnez-nous 80 minutes de musique. Mais du jour au lendemain, ce n'est pas parce qu'un support nouveau est arrivé que les artistes sont devenus plus créatifs. Et donc, on s'est retrouvé avec toujours 25 minutes potables. Et après, on avait 30 ou 35 ou 40 minutes totalement indigestes, et c'est ce qu'on subit aujourd'hui. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est dans le monde physique, quand vous êtes consommateur, vous n'avez aucune compréhension du prix du CD, parce que le même CD, sur 12 mois glissants, il va varier 4 fois de prix. Vous allez l'acheter, donc il sort en prix vert, rose ou jaune, suivant la distribution, vous allez l'acheter à 14,99 pour faire joli, à cause des prix psychologiques. 3 mois un peu plus tard, il est mis déjà dans des séries économiques, parce qu'on est dans une industrie du disque qui est comme l'industrie du cinéma. Vous avez fait 80% de votre chiffre d'affaires en 3 semaines à peu près. D'ailleurs, il suffit de regarder les charts. Vous voyez la volatilité des albums. Un album rentre premier, la semaine suivante, les ventes sont divisées par deux, la semaine d'après, encore divisées par deux, et la 4e semaine, encore divisée par deux. Et l'album, hop, il est déjà rangé. Donc, vous avez cette volatilité, et comme c'est la déflation, le consommateur que vous êtes et que je suis a très bien compris le système et se dit: il est urgent d'attendre. Et donc, on attend que l'album soit vraiment en budget, mis en budget au bout de 6 mois. Donc, à part les artistes qui bénéficient d'un noyau dur de fans qui se ruent sur le projet, les autres, quand vous êtes sur un artiste que vous aimez bien, mais pas plus que ça, mais vous allez attendre 4, 5, 6 mois pour faire l'acquisition de l'album. Donc, c'était quoi la question? Je te demandais si tu pensais justement Ah, c'est oui, un business model qui et pouvait donc à l'avenir. et donc oui, et pour finir, je pense qu'effectivement, la combinaison de l'arrivée de ces nouveaux modes de financement, le fait que l'industrie du disque ait perdu beaucoup de pouvoir, parce que depuis, moi, ça fait 40 ans que j'y suis, on a perdu quasiment toutes les batailles. C'est-à-dire qu'on est les Waterloo de la musique. Toutes les batailles ont été perdues. On a perdu les batailles. La bataille contre les télés, on a perdu les batailles contre la radio, on a perdu la bataille d'Internet. Internet, pour vous donner une idée, en 2001, j'étais directeur commercial et marketing du groupe Universal, donc c'est quand même le plus grand groupe mondial de musique en France aujourd'hui, avec l'achat de EMI, ça représente 50% du marché de la musique. Juste pour vous donner une anecdote, on était une convention comme ça, on est 500 ou 600. Et j'ai un patron qui s'appelle, à l'époque, j'avais un patron qui s'appelle Pascal Nègre. 2001, Internet, ça existait pour le grand public depuis 6 ans. Et là, à la fin de la convention, on était comme ça, tout le monde a le droit de prendre la parole et d'interroger le président. Et il y a un représentant qui dit « Monsieur Nègre, qu'est-ce que vous pensez d'Internet ?» 2001. Pascal prend le micro et dit « On s'en fout, ça ne marchera jamais. » Donc, quand vous avez, en 2001, ce type de vision, il est clair que pendant 4 ans, on n'a rien... Moi compris, hein, j'étais dans le mood, on n'a strictement rien compris et on pensait que c'était... Parce que j'en ai vécu d'autres crises. J'ai vécu, moi, la crise, la fin du vinyle, le début du CD. Pendant un an et demi, il y a eu un trou d'air. Et après, on s'est gavé comme des porcs parce que tout le monde refaisait ses discothèques, etc. Et donc, on pensait que c'était exactement pareil, qu'on allait connaître le même trou d'air 2002-2003 et qu'en 2004, on allait devenir au bureau en chaise à porteur avec de la coque et des putes. Malheureusement, ça... Ça a existé. Moi, je ne l'ai pas connu. Sur les sièges à porteurs. Moi, je n'ai pas connu les chaises à porteurs. Et donc, on a pensé pendant 2 ans qu'on aurait ce trou d'air, et malheureusement, on n'a pas compris que l'économie changeait totalement. Aujourd'hui, je pense qu'on a un début, les majors et les gros indépendants ont un début de réponse, et de nouveau, sans être grand prévoyant, mais je pense que d'ici un an ou deux, on retrouvera des marges, et, comme j'ai connu, moi, il y a une dizaine d'années. Mais on a perdu, je pense, sur les 10 ans, on en a perdu 7 ou 8 par incompréhension et par arrogance totale.